impérissable. Jamais je n'aurais pensé dans mes songes qu'à tes côtés je trouverais la lumière de la pensée, ni que mon cœur serait tout entier à toi. Dans ton berceau, j'ai trouvé le désiré. Je t'aime tant jusqu'à l'infini. Je te parlerai par Dieu, quelle fierté, Janet. Fille bien-aimée, je t'ai offert des roses au début de ta vie. Tu étais l'image de l'ange qui nous invitait sur cette terre à profiter sans condition. Toi qui nous as donné l'amour sans prétention. Tu nous as quittés, nous laissant pleurer ton départ. Bébé du ciel, tu seras la favorite. Amen, tu es l'ange de ma vie, comme une lumière pour mon âme brisée. Dans ton berceau, j'ai trouvé le désiré. Je t'aime tant jusqu'à l'infini. Je te parlerai par Dieu. Quelle fierté, Janet, fille bien-aimée. Je t'ai offert des roses au début de ta vie. Tu étais l'image de l'ange qui nous invitait sur cette terre à profiter sans condition. Toi qui nous as donné l'amour sans prétention. Tu nous as quittés, nous laissant pleurer ton départ. Bébé du ciel, tu seras la favorite. Amen, tu es l'ange de ma vie, comme une lumière pour mon âme brisée.